Raúl Castro Ruz, premier secrétaire du comité central du Parti communiste cubain, président du Conseil d'État et président du Conseil des ministres de la République de Cuba, a fait parvenir le 9 courant un message de félicitations au maréchal Kim Jong-un. Le dessinateur l'a félicité le plus chaleureusement à l'occasion du jour de la fondation de la République populaire démocratique de Corée.